descends, faut le dire. Descends, permets-moi de te dire. Viens. S'il te plaît, Carla, détends-nous le président. Chante-lui une chanson d'amour, on évitera les incidents. Fais-lui un petit câlin avant qu'il sorte de l'Elysée. Avec ta petite voix douce, dis-lui que la France est métissée. S'il te plaît, Carla, détends-nous le président. Chante-lui une chanson d'amour, on évitera les incidents. Fais-lui un petit câlin avant qu'il sorte de l'Elysée. Avec ta petite voix douce, dis-lui que la France est métissée. Tu contrôles les médias, tu diriges la police. On déploie les grands moyens pour le Vespa, ton fils. Moi si j'étais ton fiston, sûr j'aurais eu du piston. Pour trouver un job ou un appart, j'aurais mis 10 comptes. Étouffé par le système, je crois plus en la République. Pour des amendes, on se fait harceler par le trésor public. Y'a des radars partout, même les képis marchent au quota. Me parlez pas de liberté si je dois marcher au pas. La plupart des politiques en France sont corrompus dans leurs débats. Dur d'en placer une sans être interrompu. Oui, ce soir, c'est leur fête, j'ai apporté les cotillons pour cracher sur leur portrait. Pas besoin de m'appeler Stéphane Guillon. S'il te plaît, Carla, détends-nous le président. Chante une chanson d'amour, on évitera les incidents. Fais-lui un petit câlin avant qu'il sorte de l'Elysée. Avec ta petite voix douce, dis-lui que la France est métissée. S'il te plaît, Carla, détends-nous le président. Chante une chanson d'amour, on évitera les incidents. Fais-lui un petit câlin avant qu'il sorte de l'Elysée. Avec ta petite voix douce, dis-lui que la France est métissée. Dis-moi comment veux-tu qu'on s'insère. Président du pays est l'homme le moins sincère. Ça sert d'analyser son discours sans abuser jusqu'à l'Elysée, le discours. Dis-moi comment veux-tu qu'on s'insère. Président du pays est l'homme le moins sincère. Ça sert d'analyser son discours sans abuser jusqu'à l'Elysée, le discours. La France est malade et si c'était maman, j'irais en courant lui chercher ses médicaments. Le peuple a voté, mais il crie remboursé. Marre de tes bévues de talent qui a encore fourché. Tu te permets des blagues, t'as cru que t'étais un comique. Tu mérites un pavé dans ta gueule comme Berlusconi. Non, la France, je l'aime pas. Non, je ne suis pas fou d'elle. Je crois que tu trompes sur la personne. Non, je m'appelle pas Faudel. S'il te plaît, Carla, détends-nous le président. Chante-lui une chanson d'amour, on évitera les incidents. Fais-lui un petit câlin avant qu'il sorte de l'Elysée. Avec ta petite voix douce, dis-lui que la France est métissée. S'il te plaît, Carla, détends-nous le président. Chante-lui une chanson d'amour, on évitera les incidents. Fais-lui un petit câlin avant qu'il sorte de l'Elysée. Avec ta petite voix douce, dis-lui que la France est métissée. Pour que tu tolères nos colères quand on voit le drapeau tricolore. Connard à Barbès, Rochechouart, on te recherche comme Sarah Connor. Faut que tu tolères nos colères quand on voit le drapeau tricolore. Connard à Barbès, Rochechouart, on te recherche comme Sarah Connor. Tu es peut-être le chef d'État, mais tu me rends la vie amère. Heureusement que je suis poli, sinon je t'aurais insulté t'as. T'as fait du droit, ça t'empêche pas de marcher de travers. Comme tes compères, tu te prives pas de nous la faire à l'envers. C'est pas la première fois que je te démonte au chrome. Moi j'ai pas attendu que tu sois assis sur le trône. Tu te fous du monde, tu prônes la paix dans ton pays, mais vends des armes à l'autre bout du monde. Vous êtes plusieurs dans la combine à faire les cons, on veut des noms. Toi et tes complices, vous nous devez des comptes. On entend plein d'histoires, un jour on connaîtra la vraie. Bien sûr après il sera trop tard pour être navré. Et t'en fais qu'à ta tête, j'espère que tu notes. Quoi? Je suis malhonnête, mais c'est à toi qu'il faut mettre les menottes. Ici même la justice est cruelle. Le dernier juge que j'ai vu avait plus de vis que le dealer de ma ruelle. S'il te plaît, Carla, détends-nous le président. Chante-lui une chanson d'amour, on évitera les incidents. Fais-lui un petit câlin avant qu'il sorte de l'Elysée. Avec ta petite voix douce, dis-lui que la France est métissée. S'il te plaît, Carla, détends-nous le président. Chante-lui une chanson d'amour, on évitera les incidents. Fais-lui un petit câlin avant qu'il sorte de l'Elysée. Avec ta petite voix douce, dis-lui que la France est métissée. Je lui dirai.